We'll be right back. Ça va ? Non, je galère. Ouais, non, c'est... Non, c'est vachement compliqué. Je pense que ça sent que là, ça me gonfle. Ouais, ouais. Je sais pas si on sent dans mes commentaires, mais alors... Ouais. Là, je te vois sur... Alors moi, j'ai ça, tiens, regarde. Je vais te montrer l'écran, parce que ça va être plus simple comme ça. Attends. Tac. Bonjour. Coucou. Bonjour. Coucou. Là, tu dors pas, toi ? Moi, le mien, il dort, hein. Ouais, allez, au dodo. Alors en fait, tu vois, j'ai le... En fait, là, j'ai le... Tac, tac. Salon de musique, ici. Tu vois où j'ai les cartes. Ouais. Nous, on est là, sur Ninbot 2050. Faut juste que je change mon truc. Ah, voilà, comme ça, tu peux voir. Oh, voilà, ok, nickel. Après, j'ai appuyé là, Ninbot bidule. Attends, où Ninbot... T'as alors, appuyé où, là? Tu vas dans Entrée. Non, tu vois ici, là? Attends. Ouais, mais ça, Entrée, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. D'accord. Déjà. Et après, normalement, t'as une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Moi, j'ai pas eu... Oui, c'est une nouvelle. Oui, tout à fait. Là. C'est, ça a ouvert une nouvelle, ouais, qui est là. Ouais. En fait, voilà, c'est celle-là. Voilà. Attends, je vais mettre là. Ouais. Ouais, Tommy, Pierre, ouais. Là. Alors, Guy, en fait, c'est pas mon copain. Ça doit être un autre, en fait. Oui, non, mais c'est gentil, c'est lui qui m'a accueilli au départ, qui a essayé de m'aider, donc... Ah, d'accord, ok. Et bah là, tu vois, alors moi, je sais pas comment ça marche, parce que là, quand je fais une note, tu vois, là, ça passe, enfin, ouais. J'ai un signal, donc je me suis branché, normalement, j'entends et je reçois par le système. Mais moi, non, ordi. Tu vois, il n'y a rien. Ouais, y a rien qui se passe. Alors, baisse un petit peu sur le... Baisse. Enfin, ton je téléphone. Non, pas là. Ouais, voilà, là, en préparation, il y a marqué. Alors que moi, il y a marqué... Moi, je suis en vert transmission. Ben ouais. Réappuie dessus. Ben, je viens de le faire. Alors, sinon, tu vas dans préférences... Attends. Préférence audio. C'est pas un foudre de guerre, quoi. Hein, donc, non, il est vraiment pas simple. Hein. Tu vas dans audio et moi je me suis. Ouais. et tu vas se connecter à un secteur privé, un serveur privé, pardon. Ouais, mais ça, tu me l'as dit, mais en fait, ça me demande un mot de passe. Ouais, mais tu n'as pas besoin de le mettre. Tu mets 78.205. Ouais, mais il ne me le permet pas de faire ça. Attends. Fais voir, lève un peu le téléphone, juste au-dessus. Ouais, voilà, serveur. Alors là, tu marques 78. Attends, 78. Point. Ouais. 205. Ouais. Point 43. Ouais. Point 3. Ok.